yeux, c'est déjà la fin. On te dit au revoir et à demain. Fais de beaux rêves dans ton petit lit et passe une très belle nuit. Même s'il y a du loup et des monstres qui se cachent sous ton lit et des fourmis sous tes oreillers en train de se promener. Caché sous ton plancher en train de chuchoter. Je sais que tout ça n'existe pas, que tu peux seulement l'imaginer. Maintenant il faudrait bien que l'on parte, car c'est la fin de ce disque qu'on parle. Au revoir et à bientôt.